Toyota. Papa, quand est-ce qu'on arrive ? Bah, papa doit d'abord recharger sa voiture. Papa, quand est-ce qu'on repart ? Dans 30 minutes. C'est long d'attendre de repartir. Je sais. L'hybride Toyota, préférez l'électrique sans aucune limite. Toyota s'engage et renforce sa prime à l'hybride Toyota jusqu'à 5000 euros. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière non cumulable et sous conditions de reprise. 5000 euros pour la commande d'un Toyota CHR hybride 9 jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Autres modèles et détails sur toyota.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles et dans le cadre de notre journée unie pour le Liban, retour sur un événement qui a replongé ce pays dans la tourmente, l'assassinat de Rafik Hariri. Le 14 février 2005, alors que le pays entre dans sa 15e année de paix, l'ancien premier ministre libanais victime d'un attentat à la bombe qui fait 22 autres morts et 226 blessés. Une attaque qui ne laisse place à aucun doute, l'objectif était bien de tuer Hariri. Cet assassinat est une onde de choc, y compris à l'étranger. Immédiatement, des milliers de Libanais sortent dans la rue et manifestent leur colère. Avec la mort de l'homme d'affaires, qui, à la fin de la guerre, avait permis de reconstruire le Liban, c'est leur espoir de liberté qui est laminé. Et pour les Occidentaux, c'est le point d'ancrage avec le Moyen-Orient qui s'en trouve bouleversé. Ce 14 février 2005 fait inéluctablement basculer le Liban dans l'enfer de la guerre, marquant dans le même temps le début d'une enquête interminable, jalonnée de menaces terroristes et d'assassinats toujours plus ciblés. Les Libanais vont se soulever contre ce retour vers le chaos, manifester leur colère et leur indéfectible besoin d'indépendance dans une région dont ils ont toujours été l'objet de manœuvres diplomatiques ou belliqueuses au Proche et au Moyen-Orient. Notre invitée aujourd'hui, Rima Tarabay, libanaise, docteur en géographie, conseillère en communication et développement durable de Rafik Hariri. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Stéphanie Fromentin, coordination Christophe Barrère, réalisation Lauriane Toulemont. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Le Liban replonge dans les années noires. L'ex-premier ministre et homme fort de l'opposition, Rafik Hariri, a été tué dans un attentat. Une explosion très puissante qui a dévasté un quartier du front de mer et fait une dizaine de morts. La Syrie est montrée du doigt, elle nie toute implication. Il est 12h50 quand Rafik Hariri, accompagné de l'un de ses ex-ministres, Bassel Fuyan, sort d'un café de la place de l'Étoile à Beyrouth et monte dans sa Mercedes noire. Il a prévu d'assister à une réunion préélectorale au Parlement avant de regagner son palais de Kouraïtem qui domine la capitale. Hariri se déplace toujours avec un cortège ultra sécurisé. Lui dans une voiture blindée, encadrée par une Toyota Land Cruiser, une Chevrolet qui sert d'ambulance et trois autres Mercedes remplies d'appareils électroniques de brouillage destinés à rendre impossible l'usage d'une charge explosive télécommandée. Depuis sa démission en octobre 2004, il se sait menacé. Son opposition ouverte au président Amin Laoud, qu'il considère comme une marionnette au régime syrien, en fait une cible privilégiée. En quittant le gouvernement, il a signifié son intention d'emmener le Liban vers l'indépendance. Et il s'est offert la possibilité de préparer, en toute liberté, les élections législatives qui auront lieu 3 mois plus tard. Suite à cette démission, le chef de la sécurité intérieure réduit le nombre d'agents officiels attachés à Hariri, passant de 40 véhicules à 8. L'homme est libre, mais vulnérable. Ce 14 février 2005, l'escorte comprend 4 policiers libanais et 12 gardes du corps. L'itinéraire est communiqué au chauffeur de tête tout juste avant le départ, pour éviter les fuites, bien sûr. Le convoi prend alors la direction du bord de mer et de ses palaces, puis emprunte la rue Adab, se retrouve bloqué quelques minutes dans un embouteillage au croisement des rues Foch et du port maritime. Le point de vue est magnifique, le ciel absolument dégagé, on en oublierait presque que l'atmosphère politique, elle, est électrique. Le cortège se remet en route, puis tourne vers la corniche. Quand les voitures arrivent à la hauteur de l'hôtel Saint-Georges, juste devant le port de Plaisance, une immense déflagration retentit, qui se fait entendre jusqu'au dehors de la ville. Il est 12h56. Beyrouth espérait la paix, la douceur de vivre. Cet espoir vient de voler en éclats. Cet espoir était-il seulement réaliste ? Moi, j'habite un petit peu loin de l'endroit où ça s'est produit et j'ai entendu une explosion très puissante un peu après midi. Il semble bien que effectivement Rafik Hariri ait été la cible de cet attentat. On a pour le moment, j'ai pas d'informations sur son intégrité personnelle. Ce qui est clair de toute façon, c'est qu'il est touché quoi qu'il arrive à travers la zone dans laquelle s'est produit l'attentat, qui était une zone chère à son cœur. C'est vraiment le symbole du redémarrage du Beyrouth touristique. Mais c'est surtout politiquement que c'est très sérieux. Il semble que ce soit bien une escalade de plus dans la guerre entre l'opposition anti-syrienne et le régime libano-syrien. Il y a quelques jours, les ambassades occidentales avaient très officiellement mis en garde le régime syrien et le régime libanais contre tout attentat contre Rafik Hariri. Le spectacle qui s'offre aux yeux des habitants de ce quartier du front de mer est celui d'un champ de guerre. Un mot et une réalité trop connus au Liban. La bombe a explosé au cœur même de la zone touristique des grands hôtels, très prisée des riches saoudiens. Celle que la jet-set libanaise a choisie comme lieu de villégiature, celle qui a fait la réputation de Beyrouth, une zone ultra sécurisée. Les colonnes de fumée sont impressionnantes, tellement denses que les sauveteurs ne parviennent pas à s'approcher des voitures en flammes. Dans la rue, c'est l'affolement général. Le nombre de morts n'est pas encore défini, mais à voir les débris qui jonchent le sol et les milliers de trous qui constellent les bâtiments alentour, on imagine que le bilan est lourd. Le corps de Rafik Hariri est extrait de la carcasse de sa voiture. À voir le cratère, large d'une dizaine de mètres, il avait peu de chance d'en réchapper. Dans l'après-midi, une revendication filmée parvient à la chaîne Al Jazeera. Signée par un groupe islamiste jusque-là inconnu des autorités libanaises, se réclamant de la guerre sainte en Grande Syrie. La Grande Syrie, celle-là même qui, dans l'esprit de Damas, s'approprie le Liban comme un simple département. Le terroriste affirme avoir agi en raison des liens que Rafik Hariri entretient avec l'Arabie Saoudite. Étrange revendication qui rappelle les pires heures de la guerre civile. L'homme s'exprime à visage découvert. La police libanaise l'identifie comme un Palestinien fondamentaliste. Un profil qui ne colle pas avec ses revendications. Mais l'objectif est clair. Viser Rafik Hariri, c'est viser l'esprit d'indépendance et le désir de liberté du Liban. Longtemps, Hariri a accepté de collaborer avec le pouvoir syrien pour avancer vers l'autonomie de son pays. Las, il a fini par donner sa démission et passer à la vitesse supérieure. Pourtant, à l'automne précédent, le vent semblait lui être favorable, avec l'adoption de la résolution 1559 des Nations Unies, votée à l'instigation des États-Unis et de la France. Une résolution qui réclame le départ des 14 000 soldats syriens du Liban et la fin de l'ingérence de Damas dans les affaires intérieures. Pour les États-Unis, comme pour le politicien druze Walid Jumblatt, c'est incontestablement ce nouvel engagement qui a coûté la vie à Hariri. On connaît l'histoire, c'est devenu classique chez nous. Rejeter la responsabilité sur un de ces groupes disparates, quelque part extrémistes. Mais vu que le Liban est tenu d'une main de fer, encadré par les services de renseignement syriens et leurs acolytes libanais, donc je pense, j'accuse le régime libanais d'avoir commis ça. Patronné par la Syrie. De toutes parts, l'assassinat est condamné. L'Égypte, la Jordanie, l'Iran, tous protestent avec vigueur. Mahmoud Abbas, le leader palestinien, le qualifie même de crime contre le peuple libanais. Alors que le gouvernement saoudien réaffirme le rejet de ces actes terroristes. Bref, tous pointent du doigt la Syrie. L'envoyé spécial de George Bush, William Burns, soutenu par la France, exige le retrait immédiat des troupes syriennes. La résolution 1559 du Conseil de sécurité doit être immédiatement appliquée. Et cela signifie le retrait immédiat et complet des forces syriennes du Liban. Mais la Syrie dément. Au lieu de se défendre, elle fait comme si elle n'était pas concernée. Parce que pour elle, la probabilité de sa responsabilité est tout simplement nulle et non avenue. Et Bachar al-Assad, qui sent le Liban lui échapper, joue une partition à ses troubles. une seconde nature chez les dirigeants syriens. Bachar a été à bonne école avec son père, Hafez. Alors même qu'il est déjà accusé d'avoir commandité le 1er octobre dernier l'assassinat de Marwan Hamadeh, partisan du retrait des troupes syriennes, il nie tout en bloc, comme l'explique le diplomate syrien Farouk Al-Shara. Nous condamnons ceux qui tentent de provoquer la guerre civile au Liban. Nous espérons que le peuple restera uni et fort et qu'il continuera à rejeter les luttes internes et les interventions étrangères. Pendant que le régime syrien se dédouane, le Liban pleure ses morts. Les 7 gardes du corps de Rafik Hariri ainsi que 12 passants et automobilistes ont péri avec lui. Au total, 23 morts, 226 blessés. Le lendemain du drame, dans le quartier de Koritem, fief de Rafik Hariri, des milliers de personnes se succèdent pour lui rendre un dernier hommage. Les portraits de l'ancien premier ministre jalonnent les rues. Pendant que sur le lieu de l'explosion, bouclé par l'armée, les enquêteurs poursuivent leurs recherches. Les Libanais constatent l'horreur. Pour eux, ces images sont celles du passé et de la guerre. Tous partagent un sentiment d'impuissance. Le 16 février 2005, 2 jours après le drame, Beyrouth enterre Rafik Hariri. Sa famille refuse les funérailles nationales, désavouant ainsi le gouvernement libanais qu'elle soupçonne de complicité avec Bachar al-Assad dans cet assassinat. Les proches du défunt veulent des obsèques populaires. Elles le seront, au point de devenir aussi un lieu de revendication éminemment politique. Car la foule qui se presse autour de la dépouille est comme prise de folie. Entre les larmes de deuil et les cris de détresse, les slogans anti-syriens fusent « Damas, serial killer, no law, no cry ». Le message est un peu plus clair, bouter la Syrie hors du Liban. Le cercueil, porté par les fils Hariri, peine à se frayer un chemin jusqu'à la mosquée du centre de Beyrouth. Le cortège avance au milieu d'une telle confusion qu'il manque de chuter. En début d'après-midi, alors que la famille et les proches se recueillent sur la tombe du défunt, Jacques et Bernadette Chirac, amis de Rafik Hariri, se rendent aux obsèques. C'était il y a 2 heures. Jacques et Bernadette Chirac, très émus, venus se recueillir sur la tombe de Rafik Hariri en compagnie de son épouse. Ils ont été acclamés par la foule qui criait « La Syrie dehors et vive la France !» Une image symbolique de plus dans une journée qui avait commencé par le plus grand rassemblement de l'histoire du Liban. Le crime abominable que l'on aurait pu croire d'un autre temps, dont Rafik Hariri a été la victime, a suscité l'horreur et la consternation dans l'ensemble de la communauté internationale, qui exige aujourd'hui à juste titre que toute la lumière soit faite sur cet acte abominable et inqualifiable. Une semaine jour pour jour après l'attentat, et alors qu'à Beyrouth une marche silencieuse et pacifiste anti-syrienne réclame l'application de la résolution 1559 de l'ONU, les ministres des Affaires étrangères se réunissent à Bruxelles pour ordonner une enquête internationale. Ils exigent le départ immédiat des troupes syriennes, la fin de l'ingérence de Damas et le désarmement des milices comme le Hezbollah, qui lui est à la solde de l'Iran. Par l'intermédiaire d'un porte-parole, le président syrien, acculé, s'adresse aux pro-Hariri, en particulier à l'Europe et aux États-Unis. Le président Bachar al-Assad a souligné plusieurs fois son intention d'appliquer les accords de Taif et de retirer les troupes syriennes du Liban, dit-il. Cause toujours, les Libanais n'y croient plus. Depuis 30 ans, depuis la fin de la guerre civile, Damas nie la capacité d'indépendance du Liban, bon prétexte pour le garder sous tutelle. Les Libanais le sentent, les Libanais le savent. Avec Hariri, on a tué leur promesse de souveraineté, mais pas leur espoir d'y parvenir. Alors, ils continuent de manifester. Chrétiens, musulmans, druzes, ils étaient plus de 100 000 à manifester ensemble dans les rues de Beyrouth. Les couleurs du Liban autour du cou, ils ont juré de revenir ici tous les soirs tant qu'ils ne connaîtront pas la vérité sur le meurtre de Rafik Hariri. Nous sommes tous ici aujourd'hui pour mettre un terme au régime en place. Un régime à la botte de Damas. Des manifestations relayées en France, à Paris, 1200 Libanais ont demandé ce soir le départ des troupes syriennes du pays du Cèdre. qu'il y a une cinquantaine de personnalités qui sont toutes opposées à la Syrie, qui ont été tuées depuis 30 ans au Liban. Les autorités sunnites, les autorités chiites, des chrétiens, des druzes, Kamal Jumblat, tous étaient anti-syriens et tous ont été tués. La révolution du Cèdre est en marche. Une grande partie du peuple libanais rejoint maintenant les élites dans l'opposition contre une ingérence syrienne qui n'a que trop duré depuis 1975. La lutte s'organise, les manifestations contre l'ingérence de Damas et pour la vérité sur l'assassinat de Rafik Hariri deviennent quasi quotidiennes. Dans le camp adverse, les forces se rassemblent également. Elles refusent de céder le pouvoir. Le 8 mars 2005, une contre-manifestation de presque 800 000 personnes est organisée contre la présence syrienne. Le bras de fer est déclenché. Loin de décourager les Libanais, la ténacité du camp syrien ne fait que renforcer leur détermination. Le 14 mars, à Beyrouth, 1 300 000 personnes descendent à leur tour dans la rue. Une manifestation d'une ampleur inouïe au cœur de la capitale, qui résiste. Les forces politiques en opposition au pouvoir en place emboîtent le pas de ce soulèvement populaire. Ils s'agrègent en mouvement politique et créent l'Alliance du 14 mars. Une référence directe à cette manifestation spectaculaire fondée autour des victimes et de Saad Hariri, fils de Rafik. Pour la première fois dans l'histoire du Liban, toutes les oppositions au régime syrien se cristallisent en une seule et même force. Sunnites, chiites, chrétiens, c'est tout l'échiquier politique qui se retrouve jusqu'au mouvement de gauche démocratique, tendu vers un seul objectif, le Liban libre. La représentation parlementaire de cette alliance à l'Assemblée nationale se fait appeler le bloc du 14 mars. Elle s'adosse aux volontés populaires et réclame sans détour l'éviction du président Laoud, dont le mandat est jugé illégitime. Le monopole d'État dans la détention des armes, et donc le désarmement du Hezbollah, la mise en place de relations diplomatiques avec la Syrie, le tracé de la frontière avec ce pays, et enfin la création d'un tribunal spécial international pour juger les assassins de Rafik Hariri. Aux élections législatives suivantes, en mai 2005, le verdict tombe. Les partis soutenant l'influence syrienne au Liban obtiennent 27,4% des voix. Le courant patriotique libre de Michel Aoun, 16,4%. Le bloc du 14 mars, 56,2%. L'Alliance remporte donc la majorité parlementaire avec 72 députés sur 128. Dans la foulée, le très controversé pro-syrien Omar Camaré, qui avait été nommé Premier ministre en remplacement de Rafik Hariri, démissionne. Les responsables des services de renseignement sont limogés et le 27 avril 2005, après 30 ans d'occupation, la Syrie retire définitivement ses troupes du Liban. Elle laisse derrière elle un pays disloqué. Si les soldats syriens sont heureux de rentrer chez eux, il n'en est pas de même pour leur chef d'État Bachar al-Assad, qui n'est pas prêt de digérer l'affront. يا ليلي لما تطول حرك ذكرى المحبوب احيي العطر حبيبي اشبه بعطر العود يا ليلي لما تطول خلي المسافة تزول بلغ شوقي لحبيبي من لمسته محروم البعد عنه طال واشتد شوقي وصار البعد عنه طال واشتد شوقي صوته حبيبي اشتد شوقي لي همساته تلمس ديني زي حفيف الريح أتمنى لو تغني وصل صوتي لحبيبي أشواقي تنادي يا ليل الهم يا حبيبي أتمنى لو تغني وصل صوتي لحبيبي أشواقي تنادي البعد عنه طار واشتد شوقي Affaire sensible, Fabrice Drouel. Une bombe dans son véhicule en bas de chez lui, Samir Kassir s'apprêtait à démarrer. Cet attentat a pulvérisé ce matin un des plus grands noms de la presse libanaise, un éditorialiste à la plume acérée, ouvertement contre le régime syrien. En nous recevant chez lui il y a quelques semaines, Samir Kassir nous avait parlé du harcèlement dont il faisait l'objet. Ces articles lui valaient des menaces des services de renseignement syriens. Un article qui avait fait déborder le vase, qui était une attaque contre l'un des chefs des services de renseignement, le chef de la Sûreté Générale. Retrait de passeport et filature de 40 jours, avec, je pense, l'intention de provoquer un problème dans la rue pour me tabasser ou éventuellement plus. J'ai fait en sorte de les confronter à des agents de police pour qu'ils sortent leurs cartes, pour éviter que si je me faisais assassiner, on impute ça à une affaire personnelle. La réponse syrienne à son éviction du Liban ne se fait pas attendre. Le 2 juin 2005, deux mois après la victoire libanaise, les hostilités reprennent. Alors que le chrétien maronite Michel Laoun est rentré après 15 ans d'exil en France, espérant une société libanaise débarrassée de la corruption, du féodalisme politique et des fanatismes religieux, le journaliste Samir Kassir, symbole d'une jeunesse dynamique prête à porter le Liban vers une patrie sainement rétablie, est assassiné. Il avait 45 ans. Son meurtre est le point de départ d'une nouvelle série d'attentats. Le 21 juin, le communiste Georges Aoui est assassiné par une bombe placée sous son siège. Le 25 septembre, la journaliste May Chidiac, proche des forces libanaises, échappe par miracle à une tentative d'assassinat à la voiture piégée. Grièvement blessée, elle sera amputée du bras et de la jambe gauche. Le 12 décembre 2005, c'est au tour de Gebran Tueni, l'un des principaux animateurs du printemps de Beyrouth, de succomber à l'explosion de sa voiture piégée. Il avait 48 ans. Après quelques mois de répit, en novembre 2006, le Liban renoue donc avec les assassinats à caractère politique. Pierre Gemayel, ministre chrétien de l'industrie libanaise, 34 ans, et son garde du corps sont tués par balles à bout portant quelques heures avant une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, réunion consacrée à l'adoption du projet de règlement intérieur du Tribunal international sur l'assassinat de Rafik Hariri. Autant d'actes de vengeance contre un Liban qui cherche à se libérer de ses liens, et des cibles et des moments qui ne doivent rien au hasard. Car ces crimes sonnent comme des avertissements. La Syrie est de nouveau mise en accusation et comme toujours, Damas nie l'évidence. Pourtant, en 2 ans, 5 personnalités ont été assassinées, toutes de la classe politique libanaise anti-syrienne. Marwan Amadé, ministre libanais des télécommunications, victime aussi d'une tentative d'assassinat, réagit à ce nouvel attentat. Nous avons affaire à un meurtrier politique en série, qui est Bachar el-Assad, qui n'a pas digéré ni sa sortie du Liban en vertu des résolutions de l'ONU et de la révolution du Cèdre, qui veut absolument rétablir le Liban sous son hégémonie. Nous avons un Milosevic, un Saddam Hussein en puissance aux portes du Liban, qui a essayé, en faisant assassiner un jeune ministre, de déstabiliser le gouvernement. Il peut y avoir d'autres attentats, mais il est temps, à mon avis, de réagir en délogeant Emil Lahoud du palais de Baabda. Le président libanais reconduit par les Syriens contre la résolution 1559 du Conseil de sécurité. Il est temps de dire à tous, y compris au Hezbollah, halte à l'extorsion, ça suffit. L'assassinat de Pierre Gemayel a réenclenché le processus. Le Conseil de sécurité des Nations Unies donne son feu vert à la création d'un tribunal spécial international. le président libanais, Emile Laoud est le président du Parlement des Bibéries, proche de la Syrie, et soupçonné d'avoir commandité l'attentat, bloque la création de ce tribunal. Tandis que Français, Anglais et Américains tentent, eux, d'en accélérer le processus. Sous l'égide de l'ONU, les trois pays déposent un projet de résolution afin d'imposer la création de cette justice internationale dans les plus brefs délais. La prochaine étape prévoit que ce projet, défendu par Kofi Annan, soit transmis au gouvernement libanais pour validation. Le Conseil de sécurité réuni pour débloquer l'impasse au Liban. Please raise their hand. À New York, ce soir, il vient de voter en faveur de la création d'un tribunal international. 10 voix contre 15. La Chine, la Russie, proche de la Syrie, se sont abstenus, mais n'ont pas opposé de veto. La résolution votée à l'ONU ne réglera pas les problèmes du Liban. C'est un début en direction de la légalité. Ce n'est pas une arme politique, n'est pas un parti. C'est une arme dans les mains de la justice pour révéler la vérité sur un très grand crime au Liban. Le président Bachar el-Assad, qui hier triomphait devant son peuple, réélu à 98% pour 7 ans, a toujours nié avoir commandité l'assassinat de Rafik Hariri. Il refuse d'ailleurs de déférer le moindre suspect syrien devant un tribunal. Il n'existe aucune preuve criminelle impliquant la Syrie. Il n'était pas dans notre intérêt de commettre un tel acte. La vérité innocente complètement la Syrie et je n'ai pas le moindre doute à ce sujet. Le 10 juin 2007, l'Organisation des Nations Unies ouvre aux Pays-Bas ce tribunal très spécial. Pour la première fois dans l'histoire du droit, en effet, une instance judiciaire internationale est mandatée pour juger non pas un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, mais un crime relevant du terrorisme. Autre particularité, à la différence des procédures appliquées par les autres tribunaux internationaux, le procès du TSL pourra s'ouvrir malgré l'absence physique des accusés. Et ses premières conclusions sont édifiantes. Basées sur le rapport d'enquête internationale du magistrat Detlev Melis, elle pointe du doigt Damas et son allié chiite libanais, le Hezbollah, sans aucun détour. Il faut dire que les suspects identifiés par l'enquête internationale sont tous issus de ses rangs et du puissant mouvement politico-militaire du Libanais Hassan Nasrallah. Le ministre de l'Intérieur, Marwan Sharbel, a confirmé les identités mentionnées dans ses mandats. Quatre hommes qui, en plus du mandat d'arrêt, font l'objet d'une notice rouge émise par Interpol. Le cerveau présumé, c'est Mustapha Badreddine, 50 ans, présenté comme le commandant, le beau-frère de l'ancien chef militaire du Hezbollah. Il aurait donc supervisé l'attentat, aidé par les trois autres. Autrement dit, Salim Ayash, 47 ans, il aurait coordonné l'équipe d'exécution chargée du matériel, observant et suivant la progression du convoi de Hariri. Hussein Anaïssi, 37 ans, et Assad Sabra, 34 ans. Eux auraient préparé et déposé la cassette vidéo contenant la fausse revendication de responsabilité. Ce sont eux qui ont contacté la chaîne Al Jazeera pour qu'elle récupère la cassette et la diffuse. Le Hezbollah réfute ces accusations. Et dans un ultime mouvement de défense, il menace ouvertement de couper la main de quiconque arrêtera des membres du parti chiite dans le cadre de cette enquête. Ceux qui sont impatients de voir publier l'acte d'accusation et qui pensent que nous allons permettre l'arrestation d'un seul de nos djihadistes se trompent. La main qui se tendra vers un seul d'entre eux sera coupée. Ceux qui pensent que la résistance acceptera toute accusation contre ses dirigeants ou ses militants se trompent, quelles que soient les pressions ou les menaces. Ceux qui pensent que nous n'allons pas nous défendre se trompent. Nous nous défendrons de la manière que nous jugerons convenable. À l'issue de quatre mois d'investigation, le procureur allemand Daniel Harré, épaulé par une trentaine de juges et d'experts de 17 nationalités différentes, révèle pour la première fois comment les auteurs de l'attentat ont opéré. Quels liens ils entretenaient avec les dirigeants syriens et leurs complices libanais, et comment ils ont tenté de masquer leurs crimes. Face à une maquette du lieu de l'attentat, Detlev Melis commence par le récit qu'a fait Hariri de sa convocation à Damas le 26 août 2004. Ce jour-là, le président syrien Bachar al-Assad l'a fait venir dans son palais pour un entretien. Il le somme de réunir son gouvernement et d'entériner un amendement de la Constitution afin de permettre à son protégé, le président libanais Mullah Aoud, d'entamer un troisième mandat. Et il l'accuse de comploter avec le président français, son ami de longue date. « Aoud, c'est moi », lui lance Bachar al-Assad. « Alors soit vous faites ce que l'on vous dit, soit on vous aura, ainsi que votre famille, où que vous soyez. » Et il ajoute « Si Chirac veut me sortir du Liban, je vous casserai le Liban sur la tête. » Une entrevue qui ne dure pas plus de 15 minutes, glaçante, juste le temps d'adresser une menace de mort. Rafik Hariri ressort sonné. Son destin est scellé. Il s'en ouvre à Jacques Chirac, estomaqué. Le 1er février 2005, soit 13 jours avant sa mort, Hariri évoque cette rencontre dans une conversation téléphonique enregistrée. Et il dit « Bachar ne m'a pas demandé mon opinion. » Il ne s'est pas adressé à moi en disant « Premier ministre » ou quoi que ce soit d'autre, non. Non, il a juste déclaré « J'ai décidé ». J'étais totalement déconcerté, perdu. Ce fut le pire jour de ma vie. Pendant les jours qui suivent cette entrevue, Hariri est mis sur écoute par les renseignements militaires libanais. Le jour même de l'attentat, ses déplacements ont donc été suivis pas à pas, seconde après seconde. La tâche du magistrat Detlev Melis est d'autant plus difficile que les policiers libanais chargés de l'enquête initiale semblent avoir tout fait pour brouiller les pistes. Des bulldozers rebouchent le cratère provoqué par l'explosion et rouvrent la rue à la circulation dès le lendemain matin, par exemple. Seule certitude pour les enquêteurs internationaux, l'endroit où la bombe était cachée. Les images d'une caméra de la banque HSBC située en face de l'hôtel Saint-Georges montrent l'arrivée d'une camionnette blanche roulant très lentement quelques dizaines de secondes avant le convoi d'Hariri. Autre preuve de ce laxisme coupable, le corps d'une victime, un simple citoyen libanais, sera retrouvé 16 jours plus tard par sa propre famille. Il avait été oublié parmi les décombres. Selon l'audition des témoins clés, l'assassinat de Rafik Hariri a été décidé, planifié par 7 hauts responsables syriens et 4 officiels supérieurs libanais au cours de plusieurs réunions entre juillet et décembre 2004. La connexion entre les Syriens et les militaires libanais est donc actée. Le dossier est accablant pour Damas et le Hezbollah. Le juge du TSL estime que le procureur présente des éléments de preuve suffisants pour que soit engagée maintenant la phase du procès. Aujourd'hui, nous vivons un moment historique. Historique, pas seulement pour le peuple libanais, mais aussi pour la communauté internationale. À Beyrouth, les Libanais espèrent aujourd'hui que justice sera faite, enfin. L'ouverture de ce procès, c'est un jour important, que l'on a attendu avec impatience. Il est temps maintenant de mettre un terme à ce processus. On doit savoir qui a fait quoi et ce sera véritablement bénéfique pour nous. C'est seulement 9 ans après ce cataclysme politique, le jeudi 16 juin 2014, que le procès des meurtriers présumés de Rafik Hariri s'ouvre enfin devant la juridiction internationale du TSL basée à quelques kilomètres du centre de La Haye, aux Pays-Bas. Le procureur Daniel Belmar, un Canadien, va instruire ce procès hors norme. Depuis le 14 février 2005, le climat politique a peu évolué. L'enquête est au point mort, le contexte politique très tendu, les tensions entre sunnites et chiites au plus haut, non seulement au Liban, mais aussi en Irak et en Syrie. Pourtant, c'est un jour historique, dont se réjouissent Martin Youssef, porte-parole du TSL, et Saad Hariri, fils de Rafik. Liban a vraiment souffert. Pour avoir ce tribunal, la France a joué un très grand rôle pour établir ce tribunal qui commence à donner des résultats, j'espère. On est bien reconnaissant pour la communauté internationale. On saura qui a tué Rafik Hariri, qui a tué les leaders du 14 mars et ils vont payer le prix de ces actes qu'ils ont faits. En 2019, le procès des auteurs présumés de l'attentat entre dans sa phase finale. 5 années d'instruction, 303 témoins auditionnés, plus de 3000 pièces examinées, 20 000 pages de preuves, mais toujours aucune certitude. Les principaux accusés ont disparu. Les enquêteurs ont été assassinés. Le cerveau de l'attentat contre Rafik Hariri est mort de façon mystérieuse en Syrie. Son relais au sein du régime de Damas, lui, a été tabassé à mort. Le kamikaze qui conduisait la voiture piégée n'a toujours pas de nom. Et le courageux enquêteur de la gendarmerie libanaise, qui seul contre tous a remonté la piste menant à l'escadron de la mort, a lui aussi été assassiné. Certes, 4 membres de ce commando ont été identifiés et sont eux bien vivants. Mais faute d'avoir été appréhendés, ils ne sont pas sur le banc des accusés. Ils vivent libres dans la banlieue sud de Beyrouth, le quartier de Hezbollah. Surprenant procès où l'on juge des absents, des morts ou des fantômes. Dans les mémoires finales rendues par le procureur canadien Norman Farwell, on découvre la complexité et la sophistication de l'opération, la minutie et le savoir-faire dont les tueurs ont fait preuve. Comme dans un bon thriller, les péripéties n'ont pas manqué de jalonner le parcours du procès. Avec une différence de taille, à l'heure du dénouement, l'histoire est loin d'avoir livré tous ses secrets. Pendant des années, j'ai été un opposant à Khalil. Mais quand il a été assassiné, j'ai senti comme une insulte personnelle. Mon rêve, c'est qu'on respecte le million de personnes ou le million 200 000 personnes qui étaient là le 14 mars, qu'on respecte leurs attentes et qu'on ne les trahisse pas, qu'on construise un État moderne et une société un peu plus libre. Depuis le drame, chaque jour, les Libanais se recueillent en passant devant la statue de Rafik Hariri, érigée précisément là où la bombe a explosé. Quant aux meurtriers et leurs commanditaires, leur attitude menaçante n'a pas bougé d'un iota. Pour bien faire comprendre leur total sentiment d'impunité, la municipalité Hezbollah de Gobeiri a même donné à l'une de ses principales artères le nom de Mustapha Bredin, originaire du quartier mais surtout principal accusé de l'attentat. Une rue qui n'a pas été choisie au hasard, mais avec cynisme. Quand on sait que cette voie se situe en effet à proximité de l'hôpital public de Beyrouth qui lui porte le nom de Rafik Hariri. Insomnia, insomnia, insomnia. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'assassinat de Rafik Hariri, dont nous allons parler avec notre invité Rima Tarabay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes libanaise, docteur en géographie, conseillère en communication et développement durable de Rafik Hariri. Vous avez bien connu cet homme, donc qui était-il? Que représentait-il pour les Libanais? J'ai envie de dire pour le cœur des Libanais. Ouais, enfin... déjà, merci pour le récit, merci pour avoir parlé de Rafik Hariri et de son assassinat, et surtout actuellement après ce qui s'est passé aussi au port de Beyrouth. Bien sûr. Donc il y a énormément d'émotions qui ressurgissent. Rafik Hariri a été l'espoir en fait pour tous les Libanais, en tout cas une grande majorité, même si certains l'avaient critiqué. Mais il est arrivé après la fin de la guerre civile. Et il était porteur de la reconstruction d'un pays qui avait été dévasté durant 15 années de guerre. Et c'était quelqu'un qui n'avait pas du tout participé à la guerre civile. Donc, on recevait au Liban quelqu'un qui était, on va dire, honnête, intègre. Même si certains des personnes qui le critiquaient considéraient qu'il avait vécu en Arabie Saoudite, qu'il pouvait peut-être être un danger pour le Liban, pour islamiser le Liban, mais toutes ces choses-là se sont évaporées rapidement et il a été très vite le premier ministre qui a relancé le Liban et qui a remis le Liban sur la scène internationale, ce qui était quelque chose d'exceptionnel après 15 ans de guerre fratricide. Le problème, il y en a plusieurs, mais le problème du Liban, c'est évidemment cette tutelle syrienne, ce concept de grande Syrie auquel les Syriens, enfin les dirigeants syriens sont tant attachés. Comment on peut sortir de cette logique géopolitique? Le problème, si vous voulez, majeur, c'est que le Liban a été créé sur un partage du confessionnalisme politique. Donc, et malheureusement, ce système a été parrainé par la France il y a 100 ans, puisque aujourd'hui, on fête, cette année, on fête le centenaire de l'existence du Liban. Et donc, la Syrie, qui est le voisin du Liban, il était clair que pour elle, elle pouvait profiter complètement de cette situation et travailler sur la partition des différentes communautés pour qu'elles puissent mieux régner sur le Liban. Donc on était aussi une ouverture économique puisque le système économique du Liban était de la Syrie était un système économique dirigiste et non pas libéral. Et planifié. Oui. Et voilà. Et donc elle profitait de toute l'infrastructure du Liban, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique. Et il est clair que quand Rafik Hariri est venu, ça a été aussi un moyen pour elle d'exister aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que Rafik Hariri est venu quand même en tant que Premier ministre à la suite d'un accord qui a été fait entre l'Arabie Saoudite et la Syrie. Donc, si vous voulez, Rafik Hariri, d'où encore plus, quand il a été assassiné, et le fait que la Syrie a été pointée du doigt, parce que Rafik Hariri n'était pas quelqu'un qui était contre la Syrie. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à travailler avec lui, moi je faisais partie d'une milice chrétienne, j'étais avec les forces libanaises durant la guerre civile, et quand il m'a demandé de travailler avec lui 2 ans après l'arrêt de la guerre civile, j'étais excessivement choquée de ses relations avec la Syrie, parce que je considérais que le Liban était sous tutelle syrienne, qu'on pouvait rien faire sans la Syrie, que tous les postes étaient décidés par les Syriens. Mais vous avez très bien dit dans votre reportage, en fait, c'est que Rafik Hariri a essayé de donner une indépendance au Liban, sans toutefois être hostile et faire la guerre à la Syrie. Donc il essayait par des moyens diplomatiques de pouvoir redonner l'existence réelle du Liban. Mais quand Bachar el-Assad, quand Hafez al-Assad est décédé et que son fils est arrivé au pouvoir, c'est là où les choses ont commencé à changer. Et donc, il ne voulait plus que Rafik Hariri puisse avoir cette indépendance. Et c'est pour ça qu'ils ont donné tout le pouvoir au président Lahoud et par la suite tout ce qui s'est passé. Mais il est clair que Rafik Hariri, au début, n'était pas quelqu'un qui voulait faire la guerre à la Syrie. Et ça, c'était quand même important pour l'existence régionalement du Liban. Comment les Libanais, je parlais de cœur tout à l'heure, les Libanais, vraiment, monsieur, madame, du Liban, ont vécu cet assassinat de Rafik Hariri? Est-ce que les cauchemars de la guerre, des troubles, des attentats sont revenus très forts? Comment vous avez senti ça? Ah oui, ben, si vous voulez, ça a été l'éclatement total, parce que on avait vécu 15 ans de guerre civile, ça faisait depuis 92 que le Liban commençait à exister. Bon, on sentait déjà depuis quelques mois avant qu'il y avait des choses qui s'aggravaient. Puis il y a eu l'attentat de Marwan Ahmad, et comme vous avez dit. Et puis, quelques mois avant l'assassinat de Rafik Hariri, il a apporté un plus encore par rapport au Liban, parce que ça a été la première fois qu'il allait faire des élections législatives sans que les Syriens ne puissent décider qui allait être sur ces listes. Donc un tournant, c'était important. C'était un tournant excessivement important parce que... Donc législatif de juin 2005, hein, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Donc on passe, si vous voulez, d'un homme d'affaires venu de l'Arabie Saoudite pour reconstruire le Liban à, durant quelques mois avant son assassinat, à un révolutionnaire. Oui. Parce que là, il dit... Ça revient dit, à ça, oui, effectivement. Et là, et ce qui n'était pas très cohérent par rapport à l'image du personnage de Rafik Hariri, et là, tout d'un coup... et c'est pas tout d'un coup, mais à force que les Syriens voulaient mettre encore la main sur le Liban et avoir une emprise totale sur le Liban, Rafik Hariri a réalisé que finalement c'était plus possible par des voies diplomatiques et qu'il fallait qu'il mène des élections complètement indépendantes. Et donc ça a été, son assassinat a été à double sens. Quand j'écoute Samir Kassir, qui était quand même quelqu'un qui s'était opposé énormément à Rafik Hariri, mais c'est vrai que les derniers mois... Journaliste qui a été assassiné, qui était quelqu'un qui défendait aussi le Liban indépendant et qui n'était tout à fait contre la tutelle des Syriens, et qui tout d'un coup a réalisé en fait ce que Rafik Hariri avait fait pour essayer de trouver l'indépendance du Liban, et que quand quelqu'un comme Samir Kassir défend après son assassinat ce tribunal et l'image de Rafik Hariri, c'est-à-dire que là, Rafik Hariri, de par sa mort, a rassemblé finalement même les gens qui étaient contre lui pour la survie d'un autre Liban. On va voir maintenant ce qu'en pensent les franco-libanais. Bonjour Anel Verzo. Bonjour. Notre reporter pour Affaires Sensibles, vous avez rencontré une jeune femme et sa mère. Voilà, alors la jeune femme que vous allez entendre, c'est Guylaine, elle a 37 ans, elle est née et a grandi au Liban jusqu'à ses 7 ans, quand à la fin de la guerre civile, ses parents l'ont emmenée en France et elle vit aujourd'hui en région parisienne. Salut. Et sa mère? Sa mère, elle s'appelle Nicole, et au moment où je vais voir Guylaine chez elle, Nicole vient juste d'arriver à Beyrouth. Elle n'était pas retournée depuis l'explosion du port le 4 août, et donc on a eu envie de l'appeler ensemble. Coucou, même. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, et toi? Bien arrivée et tout? Très bien, tout va très bien. Mais une demi-heure d'ici, c'est la catastrophe. C'est en rentrant de l'aéroport que je me suis rendu compte, c'est d'un triste. Oh. Qu'est-ce que tu as vu, en fait? T'es arrivé à l'aéroport en atterrissant, tu as vu quelque chose? Tu as vu le port? Là-bas, j'ai juste fait un scandale avec tous les voyageurs parce qu'ils nous ont encore extorqué 50 euros le ministère de la Santé. Ils nous ont obligés à payer un test pour Corona alors qu'on avait déjà le résultat. Mais ils oui. m'ont dit, vous êtes obligés de faire un test à votre arrivée, sinon vous ne montez pas dans l'avion. Je dis, c'est qui décide ça? C'est le ministère de la Santé au Liban. Ok, j'ai payé 45 euros ou 50 dollars. Ils nous ont empêchés de prendre nos bagages si on ne déchire pas le reçu. Parce qu'on a refusé de faire le test pour qu'on ne puisse pas réclamer. Pas qu'on laisse des preuves. Le sang est monté, je te dis, moi, je suis sortie en hurlant. Corrompus comme ils sont tous, qui nous ont estorqué 50 euros. Je pense que ma tristesse s'est transformée en colère. Ouais. Oh là là. Et voilà, ça c'était le premier choc. Ouais. Puis en passant par le port de nouveau, de ces immeubles éventrés, c'est énorme. Mais d'après vous, est-ce que le Liban peut devenir un pays, entre guillemets, normal? Oui, mais il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps parce qu'il faut que toute cette ancienne clique politique disparaisse, ce qui est dur parce qu'ils sont tellement ancrés. C'est comme un arbre qui est vieux et qui a ses racines. Ils sont tellement vieux et pourris qu'on n'arrive pas à les retirer de la terre. Il faut qu'ils disparaissent. Et toi, Guylaine, est-ce que tu aurais envie d'aller au Liban, de rejoindre ta mère? Tout le temps. Je regarde tout le temps les vols, j'ai envie d'emmener mes filles, elles ont 2 ans et demi et 4 ans bientôt, mais je me sens pas en sécurité en fait quand je vais là-bas. En fait, il faudrait refonder complètement, c'est la constitution, c'est tout, il faut raser ce système en fait. Est-ce que vous, toutes les deux, vous votez ou pas? Est-ce que vous votez pour le Liban? Nicole, moi, vous... la dernière fois pour voter, j'ai dû venir ici. On n'a jamais pu voter de l'étranger. Parce qu'ils ne peuvent pas tricher si on vote de l'étranger. Au Liban, on met des papiers dans les urnes et ils peuvent les changer. Mais tout est trafiqué. Tout. Mais est-ce que vous pensez qu'une révolution, c'est possible? Peut-être l'anniversaire, là, le 17 octobre, c'est l'anniversaire de 1 an de la révolution. Il se peut qu'il y ait quelque chose, en espérance. Ce que tout le monde demande maintenant, c'est qu'il y ait des élections de députés. Ce sont nos représentants. Et c'est ceux-là qui sont les plus pourris. Parce que ceux-là choisissent après le gouvernement. Ouais. Donc quand on a des députés qui viennent vraiment du peuple, on pourra choisir un gouvernement propre, comme on dit, honnête. Et de là à ce que ça arrive, il faut que ça pète avant, je crois, il n'y a pas d'autre moyen. Est-ce que d'après toi, Guylaine, ça peut changer? Mais oui. Un pays où tu pourras emmener tes 2 filles, ton mari? Mais oui. Et c'est déjà en train de changer. Il y a beaucoup de Libanais qui ne veulent plus voir apparaître sur leur carte d'identité libanaise leur religion d'origine, de naissance. On est dans cette famille, donc on est chiite, sunnite, maronite, etc. Et les jeunes générations n'ont plus envie de ça, n'ont plus envie d'étiquette. C'est ton cas, Guylaine ? Tu parles des jeunes générations, toi, tu as une trentaine d'années. Oui, c'est mon cas. Donc quand on me demande, je suis libanaise, oui. Et après, bah, le reste, ça ne vous regarde pas. La religion, elle est privée. Emma Tarabaye, que de choses à dire. Bah oui, beaucoup de Allez-y. Choses. Allez-y, je vous pose même pas de questions, je vous laisse commenter. Parce que oui, ça, voilà. C'est... Donc déjà, effectivement, aujourd'hui, on peut au Liban enlever notre appartenance religieuse. Moi, je l'ai fait sur la fiche d'état civil, et c'est comme ça qu'on peut commencer à construire un état laïque. Vous avez parlé de Rafik Hariri. Rafik Hariri, il a été le parrain de l'accord de Taif qui a mis fin à la guerre civile. Dans cet accord, il y a un article, l'article 22, qui dit qu'on devrait mettre en place un communauté pour organiser des élections législatives hors du confessionnalisme. Et l'abolition du confessionnalisme est le point le plus essentiel dans la constitution du Liban. Depuis 92, ce point n'a pas été appliqué et n'a pas été mis en place. C'est-à-dire que dans 2 ans, nous avons les prochaines élections législatives. Et si on ne fait pas des élections législatives hors du confessionnalisme, il est clair qu'il y aura une vraie ça problématique par rapport au Liban. Voilà. Et donc, je ne pense pas que c'est l'initiative du président Macron, même si je pense qu'il est remercié par beaucoup de Français, qui va sauver le Liban. La seule manière de sauver le Liban, c'est de travailler le plus rapidement possible à des élections législatives hors du confessionnalisme pour qu'on puisse construire, en tout cas, mettre la première pierre pour un État laïque. C'est ça qui est le plus important. Et la date du 17 octobre évoquée par cette dame ? La date de 17 octobre, depuis 17 octobre 2019, la révolution a commencé dans la rue. Moi, j'y allais chaque mois à Beyrouth pour essayer d'aider ces jeunes qui ne veulent plus de ce Liban confessionnel. C'est la première fois qu'il y a une sorte de relation entre le confessionnalisme politique et la corruption, et ils ont parfaitement raison. Et ces gens sont en train de clamer un État laïque, c'est-à-dire qu'il y a eu des manifestations dans des fiefs du Hezbollah, dans des endroits comme Nabatieh, comme Tyr, où jamais les gens n'étaient descendus, où ils avaient toujours peur de pouvoir dire la vérité. Et c'est la première fois qu'ils disaient qu'on en a marre, qu'on n'en peut plus, il faut qu'on change le système. Avec le Covid, le problème que les gens sont rentrés dans leur maison. Et puis là, il y a eu la question de l'explosion. Mais là, j'étais à Beyrouth il y a 3 jours. Ils continuent à travailler sur le terrain. Ils ont toujours un espoir de pouvoir continuer pour construire un État laïque. Et ça, c'est la chose qui est essentielle. Et surtout, de mettre aussi tous ces politiques qui voilà, sont au pouvoir aujourd'hui. Classe politique renouvelée, forcément. Et puis de mettre les gens aujourd'hui qui sont au pouvoir en prison à cause de tout ce qui a été volé par rapport au pays et par rapport aux gens. Parce qu'il est clair que s'il n'y a pas de justice... Vous savez, il y a eu ce tribunal sur l'assassinat de Rafik Hariri et c'était une première... Et ça, pour l'inconscient collectif des Libanais, c'est essentiel, même si au bout de plus de 10 ans qu'il y a eu le tribunal, on a eu juste une personne qui a été présumée, qui en plus présumée étant avec le Hezbollah, qui est considérée comme avoir assassiné Rafik Hariri, reste que sur le plan symbolique, quelque part, il y a eu une justice. Aujourd'hui, le peuple libanais vit dans une injustice totale encore par rapport à la corruption, par rapport à toutes les autres personnes que vous avez mentionnées qui ont été assassinées. Et c'est vrai qu'on a tout un chemin à faire. Mais moi, je suis confiant dans le peuple libanais. Là, je vous disais, j'étais il y a 3 jours. Les quartiers qui ont été dévastés, comme Marem Khayel et comme Jemaisé, ben, les bars ont réouvert. Les gens essayent de revivre, malgré tout, de pouvoir continuer à rester. Alors, il y a beaucoup de gens qui essayent de partir aussi. Et aujourd'hui, je ne peux pas blâmer les gens qui veulent quitter le Liban. Il est clair que c'est une issue aussi pour eux. Mais je suis sûre que même s'ils partent aujourd'hui, ils reviendront et que leur cœur sera toujours attaché au Liban. Voilà. Et France Inter, en attendant, consacre sa journée. Magnifique. Merci beaucoup. Merci, Rima Tarabaye. Au revoir. Merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui de l'assassinat de Rafik Hariri, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr, bien sûr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles pour toute information complémentaire à notre émission livre référence. Merci à Adèle Caglar qui était à la technique aujourd'hui.